Le 16 courant, à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du généralissime Kim Jong-il, l'Association générale des Coréens en Chine a adressé une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. La lettre note entre autres « Par l'original politique de Sun Gun, le généralissime Kim Jong-il a défendu parfaitement le socialisme axé sur les masses populaires, noble héritage du président Kim Il-sung, développé la patrie en puissance politico-militaire invincible, digne pays nucléaire, et aussi pays qui fabrique et lance des satellites pour ainsi implanter les bases solides de la prospérité du pays et du bonheur éternel du peuple. Sa vie était pleine de l'amour ardent et du noble dévouement pour la patrie et la nation, et ses exploits révolutionnaires précieux resteront toujours dans le cœur de toute la nation coréenne et de l'humanité, et brilleront à jamais dans l'histoire de la Corée socialiste prospère. Incarnation de la noble fidélité et de la noble obligation morale révolutionnaire, le maréchal Kim Jong-un a tenu haut le général comme l'éternel leader de la nation du soleil et aussi fait briller sans cesse la vie révolutionnaire sacrée et les exploits révolutionnaires immortels du général. Les cadres de l'Association générale des Coréens en Chine et les compatriotes conserveront toujours dans le cœur les paroles du maréchal sur la nécessité de réaliser des œuvres utiles pour rendre cette année très significative dans l'ouverture de nouvelles phases de la réunification dans l'indépendance, afin de se trouver toujours à la tête dans le mouvement patriotique de réunification pour opérer la campagne de la grande unité nationale et de la réunification indépendante.